Cette semaine à l'émission, la fin du gratuit pour Google Photos, Sony abandonne les appareils réflexes et on vous parle de notre été. Vous écoutez Objectif numérique, épisode 176. Encore au micro et je suis en compagnie d'une tablée d'invités, tablée virtuelle évidemment. Je suis avec Patrick Pilon. Salut. En direct de la Turquie. Yes. Christian Jarry. Hey, salut Stéphane. Ça fait longtemps. En direct de son île à l'autre bout du monde. Là. Un petit peu moins loin que la Turquie quand même, je dois dire. À l'ouest pour de Montréal. Une fois, c'est pas moins le plus loin. De Maxime Soriol. Salut Maxime. Oh yeah. Salut. Et de Pierre-Luc Groslot. Salut Pierre-Luc. Salut Stéphane. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Oui. Hey, ça bon manque matin. De diversité par contre hein, autour de cette table virtuelle-là. Toutes des hommes blancs. Genre. Pour moi, on n'est pas tous barbus. Non, on n'est pas. Il y a deux pas barbus. C'est bien. Ça fait de la diversité au niveau capillaire ou pilosité. Moustache, c'est pas de barbe. On va faire comme d'habitude, on va faire un tour de table pour savoir ce que vous avez fait côté photo, parce qu'on a quand même eu le temps, hein, une petite pause de cinq mois à peu près, depuis le dernier épisode. On fait même six, de mémoire, c'était pas novembre? Oui, c'était fin novembre, début décembre. Ouais. Là, donc, ça fait un bail. Et on fait un épisode de spécial un peu, un entre-deux pendant cette longue pause, parce que pour ceux qui ont écouté l'épisode 175, on a parlé de faire un retour à la fin août, début septembre, pour la rentrée, quand tout le monde sera vacciné ou presque, ce qui nous laisserait aussi le temps de nous remettre à faire de la photo un peu plus. Mais là, il y en a qui s'ennuyaient dans l'équipe de faire un épisode, donc j'ai cédé à la pression. Puis, une belle. Ça n'a pas été trop dur de te faire de pression, par exemple. Non, je sais. J'ai eu moins mal au bras que pour le vaccin. Donc, non, vous ne l'avez pas trop tordu. on va commencer le tour de table, tiens, avec Christian, pour savoir qu'est-ce que tu as fait côté photo récemment ou moins récemment. Et, sincèrement, je dois dire que j'en ai pas fait tant que ça. J'ai pas que j'ai pas voulu. J'en fais toujours un peu, tu sais, les affaires de Best Buy et tout ça, mais j'en ai pas fait énormément. Un petit peu cet hiver, plus avec le cellulaire que j'ai pu. J'ai commencé le ski de fond cette année. Puis j'ai traîné mon téléphone cellulaire parce qu'il y a des fois que c'était tellement trop beau. Puis tu sais, traîner l'appareil photo quand il neige, etc., s'arrêter, c'est pas toujours évident. J'aurais aimé ça, mais tu sais, c'était. Ça s'y prêtait moins. Ça ne m'a pas empêché, par contre, de prendre des belles photos pareilles. Puis sinon, il n'y a pas longtemps, je me suis fait agacer un peu comme quoi ma photo de profil était au bureau n'était pas à date parce que je n'avais pas ma barbe dessus que j'ai depuis quelques mois maintenant. Fait que je me suis dit, je suis dû, faudrait que je m'en fasse une autre. Puis en même temps, je me suis dit, j'en voulais en faire une de façon plus. C'est plus qu'un selfie avec un téléphone. Fait que j'ai essayé de le faire avec justement mon appareil photo. Puis c'est pas évident, hein, prendre un selfie avec un appareil photo. On a beau avoir le live view, là. Non, c'est ça. Moi, j'utilise en fait le live view, mais dans le miroir, que là, les gens ne le voient pas, là, mais que vous voyez derrière moi, j'ai deux grandes portes miroirs. Et là, j'installe l'appareil devant le miroir pour avoir le reflet. Bon. Ouais. Ça, c'est bon. Parce que l'écran ne pivote pas à 180 degrés. Donc, c'est le truc que j'ai trouvé. Mais sinon, effectivement, c'est difficile. Moi, j'ai le live view sur mon téléphone. C'est pas si pire, mais c'est toujours le fait de. Tu sais, tu te places, t'as beau te placer, mais tu regardes l'écran, puis là, tu te relèves, mais là, t'as déjà bougé. Là. Mais en tout cas. Ton air a changé dans ton visage. Exactement. Aussi. Tu t'es déconcentré, puis c'est l'enfer. Mais bref, c'est ça. C'est pas mal ça. Quelles autres photos? Mais ça n'a pas toujours été comme je le voulais, mais je me garde des idées pour plus tard. Là. Il y a des choses que j'ai faites qui n'ont pas été à mon goût que je vais réessayer plus tard. Mais là, tu t'as mis dans les notes photos de neige, donc ça fait un petit peu plus longtemps, j'imagine. Oui, clairement. Ça, je te dis, j'en ai pas pris beaucoup là, depuis septembre. J'en ai pris quelques-unes récemment, j'ai eu quelques idées en tête, mais quand je suis arrivé à la maison, le résultat n'est pas à mon goût. Okay. C'est pas des mauvaises photos, mais je me suis fait une réflexion parce que j'étais un peu pressé dans le temps, puis je me suis dit non. Puis c'est pas loin de chez mes beaux-parents. On faisait des travaux dehors, ça tente roulotte, fait qu'on s'est dit, tu sais, on va arrêter. Mais là, il était fin de la journée, plus ou moins. Tout le monde avait hâte de retourner à la maison, fait que j'ai fait Okay, je l'ai pris, mais elle n'est pas à mon goût. Fait que je vais y retourner éventuellement, puis je vais prendre mon temps. Je vais la faire comme je le veux, puis je sais que le résultat va être meilleur. Donc, éventuellement, peut-être que je posterai les deux éventuellement si. Ben oui. Le, montrer oui, le comment... premier résultat, puis ce que tu as vraiment voulu ouais. faire, ça serait intéressant comme exercice. Ouais. Toi, Pierre-Luc, de ton côté, qu'est-ce que tu as fait? Ben, en fait, j'ai fait plusieurs tournages et participé à plusieurs tournages là, pour City Vision. On a fait quelques vidéoclips depuis la dernière fois qu'on a fait un épisode. Mm-hmm. On a fait des petits projets corporatifs aussi. J'ai fait de la photo de portrait puis des photos behind the scene, mm-hmm. si on veut, des tournages pour pouvoir alimenter un peu les réseaux sociaux, notre compte Instagram et tout ça. Puis j'aime ça aussi faire des portraits des gens, soit les gens de notre équipe avec qui on travaille ou des gens qu'on est en train de filmer. Mais sans leur en parler d'avance. Là. Okay. Donc, c'est un peu comme par surprise, mais ça permet de garder un peu de spontanéité. Puis ça fait des photos qui ne sont pas posées, sont plus naturelles. Fait que j'ai quand même réussi à avoir quand même plusieurs belles photos là, dans différentes circonstances depuis novembre, dont de certaines là, qui datent de samedi dernier où on était à Pointe-aux-Trembles pour un petit tournage avec la mairesse là-bas. Puis samedi, j'ai aussi participé à la manifestation pour la solidarité pour la Palestine. Puis j'ai pris quand même pris plusieurs photos pendant la manifestation. Mmh. Pas toujours évident. Là, je suis loin d'être photographe de presse. Je trouve que la moyenne n'est pas aussi bonne que j'aurais aimé. C'est pas pour rien qu'ils se promènent. C'est très dur de prendre des photos. C'est très dur de prendre des photos dans une foule comme ça. J'en rappelle avoir essayé quelques fois. Là, c'est d'avoir très la dur. Bonne focale puis le bon boîtier. T'sais. Souvent, tes ouais. voix, ils ont deux boîtiers là, en bandoulière puis ils sont prêts avec un zoom puis un grand angle. Puis là, moi, c'était pas ça du tout le setup, mais quand même, là, je suis relativement content. J'ai des beaux résultats, mais j'ai pris beaucoup de photos pour réussir à avoir quelques beaux résultats. Ouais, ouais. Donc, moi, c'était souvent comme ça quand j'étais journaliste. Oui, j'avais un ratio de comme une bonne sur 80 ou 100. Ah ouais? Mais... Ah ok, ben ça me rassure. J'ai réussi quand même. Non, c'est normal, je te dis. Ok. Donc, ça ressemble à ça pour les photos des derniers mois. Là, évidemment, on a eu plein de bonnes nouvelles aujourd'hui. Donc, l'été s'en vient. Oui. Il va y avoir plein d'autres projets. Là, mais, Ils ont dit qu'on aurait un été. Yes! C'est ça, ouais. Oui, enfin, ben, en fait, pour ceux qui ne le savent pas, peut-être pour nos auditeurs en France ou ailleurs, c'est ça, le gouvernement a annoncé les mesures de déconfinement. Donc, ça nous permet d'avoir un peu d'espoir pour l'été. Puis, ben de l'espoir pour faire de la photo un peu plus aussi. Ça va simplifier les choses, peut-être. De bouger, peut-être, aussi. Oui. Même si c'est à l'intérieur du Québec ou peut-être que certains vont se permettre d'aller en Ontario ou je sais pas, à Vancouver ou les Maritimes, même. Mm-hmm. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de voyager, là, mm-hmm. si les conditions le permettent. Là, mais... Exact. Parfait. Patrick, toi, de ton côté, qu'est-ce que tu as fait côté photo ou vidéo? Parce que tu fais pas mal de vidéos aussi. Oui, mais c'est ça. Mais là, j'essaie de me concentrer sur la photo pour répondre à cette question-là. Mais je triche un peu là, parce que j'ai un projet de time-lapse. Puis là, je ne sais pas s'il y a un mot en français pour ça. Oui, c'est de la photographie d'accélérer, un truc comme ça. Là, okay. On en avait déjà parlé. Intervalomètre? Mais, ben, c'est avec un intervalomètre un peu, si on veut. Mais c'est ouais. un truc... je ne sais plus, mais tu sais, on n'utilise jamais. Ben, parce que c'est photo par intervalle que ça s'appelle dans le menu. Mm-hmm. Mais je fais ça avec ma Fuji X-T4. Puis c'est que là, je suis en Turquie encore, mais je quitte la Turquie dans quelques mois. Scoop, moi, je vais voyager cet été. On déménage au Kazakhstan. Donc, je ne m'en viens pas plus proche wow. de chez vous. Donc, il y a des chances que la prochaine fois qu'on se parle, ben, je sois votre premier collaborateur étranger au Kazakhstan. Ça n'arrive pas souvent. Très bonne chance. Oui. Mais, oui. Mais c'est ça, donc j'habite dans un appartement, puis c'est surélevé, puis je me dis, il me reste juste quelques mois ou quelques semaines. Fait que j'ai un projet de time-lapse beaucoup de levées de soleil puis de coucher de soleil. Je trouve ça super beau. Ou les journées où il y a vraiment beaucoup de nuages puis que la vision va très loin parce qu'on voit des montagnes au loin. Puis je me dis qu'il ne faut pas que je gaspille le fait que j'ai cette belle vision-là tous les jours qui est devenue presque banale. Ça fait 4 ans qu'on est ici, mais justement, il faut que j'en profite. Puis les levées de soleil, des fois, c'est incroyable les couleurs. Il y a du mauve, du rouge, du orange. Donc, je travaille beaucoup avec une photo environ, soit aux 5 ou aux 10 secondes. Donc, je vais quand même assez rapidement parce que souvent, le lever de soleil va durer seulement une dizaine de minutes. Mais avec l'effet, avec les nuages, tout ça, c'est super beau. Puis, je traite toutes mes photos ensuite dans Premiere. Dans Adobe Premiere, il y a une fonction pour faire un timelapse à partir d'une séquence de photos. Puis comme c'est de la photo, bien, c'est super haute qualité. C'est même plus que du 4K. Je peux recadrer, je peux mettre un effet de mouvement là-dedans, mm-hmm. etc. Donc, je travaille beaucoup là-dessus présentement. Ça me fait des cartes mémoire assez pleines, là, par contre. Tu utilises quelle taille de carte mémoire, quelle capacité? J'ai deux cartes de 256 dans ma Fuji. Mais pour la remplir, je te dirais que ça me prend peut-être 5... Ça dépend si je suis en RAW ou en JPEG. Je travaille beaucoup quand même en JPEG, mais ça me prend peut-être 6-7 timelapse pour la remplir. Quand même. C'est bon. Donc, ça va vite. Ouais. Là. Puis je confirme, c'est vidéo en accéléré en français, un timelapse. Okay. Donc, il y a la notion de vidéo, oui, c'est ça. Mais personne n'utilise ça. C'est pas certain. Mais c'est plus difficile à faire quand on le fait en photo que sur un téléphone ou sur une GoPro quand tu parles de la fonctionnalité timelapse parce que là, tu as plus de trucs à contrôler. Mm-hmm. Je mets mon focus manuel, mon exposition, je dois me trouver un point pour que la lumière... je le mets souvent en automatique, par contre, puis ça fonctionne bien. Oui. Mais il arrive des fois qu'il va y avoir comme une image qui va être surexposée. Donc, des fois, j'ai de la correction à faire après coup pour aller baisser la luminosité d'une image ou quelque chose comme ça. Puis autre que mon projet j'ai une question, de timelapse. Patrick, moi, rapidement, là, pas la mise au point automatique, mais plutôt l'exposition. Oui. OK. Ouais, parce qu'au début, je ne pouvais pas faire ça. Il fallait que je la change manuellement. Mais je trouve que maintenant, ça fonctionne bien. Si je me trouve un point dans la ville, puis j'ai souvent un édifice, parce qu'il y a des fois où il y a même le soleil qui passe en arrière. Donc, il faut que je me trouve un point où la luminosité va changer d'une façon plus graduelle. Mais ça fonctionne beaucoup mieux. Puis, il y a un autre truc pour tricher, c'est que dans Premiere, j'ai un plugin Flicker Free qui est fait pour quand l'éclairage flash. Là, quand il y a une trop grande différence, disons, entre les deux. Oui, entre la lumière, la vitesse de la lumière, puis la vitesse de ton nombre d'images secondes, de ton obturateur. Donc, je triche un peu des fois, puis si l'effet est vraiment pas beau, bien, je mets le Flicker Free, puis là, c'est magique, puis clouc, ça disparaît, puis la luminosité est parfaite. Parce que quand on passe de jour à nuit ou de nuit à jour, c'est là que c'est difficile avec la luminosité. Okay. Puis mon autre petit projet, c'est de classer mes photos, parce que j'arrive pas depuis qu'on s'est parlé, là, j'ai plus accumulé des photos que classé ce que j'avais pas classé. Et là, j'essaie de classer ça le plus rapidement possible avant le 1er juin. Et on va en reparler tout à l'heure parce que j'essaie de mettre ça dans Google Photos. Ah, mais pourquoi avant le 1er juin précisément? Parce que le 1er juin, c'est la fin de Google Photos. D'accord. Oui, on va en reparler tout à l'heure. Maxime, toi, de ton côté, qu'est-ce que tu as fait côté photo? C'est vrai que la période est assez longue parce que mon dernier enregistrement, c'est le 10 mars avec vous, si je ne me trompe pas. 10 mars 2020? 2020, donc juste avant le confinement, c'est pour ça que je me rappelle la date exacte. Mm-hmm. Mais en y passant, j'ai pas fait tant de photos que ça. Entre autres, je pourrais parler que cet hiver, en février, j'ai fait une quatrième de couverture, un portrait pour une connaissance amie en quelque sorte qui sortait un livre. Donc, c'est notre amie commune qui avait dit « Tu devrais demander à Maxime, il pourrait faire une bonne photo, ainsi de suite, tu ne savais pas à qui demander. » Puis j'étais pas trop sûr parce qu'en février, il fait assez frais, en bon québécois, assez froid. Mmh. Puis, avec la pandémie, il n'y a pas vraiment de place pour aller. Pas vraiment supposé d'aller chez lui parce que, en tout cas, chez moi, ça ne marche pas bien. Donc, on s'est ramassé au centre-ville. Il faisait moins bien, donc on essaie de faire des photos à l'extérieur. J'ai fait quand même des belles photos, mais ça ne marchait pas trop. Son livre, c'est un livre de quiz politique. Donc, c'est des questions sur politique québécoise, canadienne et internationale. Puis, à ma connaissance, quand il donne les réponses, il développe un peu son écriture. Donc, pendant il travaille à l'Hôtel de Ville de Montréal, donc on s'est ramassé, puis on a fait des photos à l'entrée. c'est quand même des assez bonnes photos, mais ça faisait un an quasiment que je n'avais pas sorti mon appareil, entre autres avec la pandémie. Et t'as pas, tu ne peux pas vraiment manier l'éclairage, et ainsi de suite. Donc tu as sorti quand même quelque chose d'assez bien parce qu'on est politique, donc avec les boiseries en arrière. Son visage est peut-être un peu blanc, mais c'est quand même assez bien. Mais par contre, j'ai tout édité ma photo par Snapseed parce que j'ai tellement l'habitude de le faire avec mon téléphone, donc j'ai beaucoup les réflexes. C'est sûr que j'ai beaucoup plus maximisé l'utilisation de Snapseed. J'ai essayé beaucoup d'options que je n'avais pas essayé avant, mais c'est juste qu'à l'ordinateur, je prenais un peu les nerfs. Je ne suis pas assez habitué, je n'ai pas assez de réflexes, donc l'apprentissage, en tout cas, n'était pas là. Donc, c'est tout fait dans Snapseed, puis les résultats, c'est quand même très bien, mais aussi, c'est une photo d'auteur, c'est comme un plan buste, bien simple, très petit en arrière, c'est juste pour dire. C'est pas la couverture, en gros. Donc, ça quand même, ils sont satisfaits, donc ça a donné quelque chose de bon. Hein. Une belle expérience, c'est le fun. Yes. Mais sinon, les expériences, je ne sors pas vraiment de mon kilomètre carré, c'est ce que je dis comme expression, peut-être un peu plus. Donc, comme j'ai remarqué sur Instagram, mes 12 dernières photos, je fais peut-être une photo par semaine ou deux semaines ces temps-ci. Je vais un peu reprendre le rythme. Mais je pense que je préfère tout un kilomètre à la ronde pour être un peu plus, juste un mille à la ronde, en quelque sorte. Donc, toute la Malène, ainsi de suite. Ça fait quand même des très bonnes photos. Il y a beaucoup de bonnes occasions, mais ça reste qu'il manque de... Pas qu'il manque de variété, mais de variété de locations, d'endroits, de... Oui. J'ai autant gage, mais... Ben, le beau temps est revenu, là. Tu vas avoir l'occasion de te déplacer un peu plus et plus facilement. On va faire les petites photos et aussi juste que à partir de février, avant je me rendais jusqu'à métro Papineau, jusque dans le village pour le travail les mardis pour les réunions, mais après ça, on a switché ça en télétravail, donc ça donne une excuse de moins de sortir et de faire un petit détour par le Vieux-Montréal ou En effet. Donc, c'est très Malène-centrique comme photo. Mais je pense que il y a juste toi qui s'en rendra compte, là, ou presque, là, à moins d'être tes voisins ou quelqu'un qui habite vraiment près de chez toi, parce que si on regarde tes dernières photos, je pense pas que ça paraît vraiment que ça a tous qui viennent tous du même petit quartier. Là. Ça sent mal. Tu as réussi à diversifier les plans et les sujets. Donc, c'est cool. Ouais, c'est vrai qu'il y en a une qui est... Je suis dans ma laine, mais la photo, c'est la vue de Rosemont. Donc, ça sort un peu aussi, mais c'est parfait. Puis moi, de mon côté, j'ai fait... Je pensais que j'avais surtout fait de la photo de portrait, mais j'ai fait d'autres choses aussi. J'ai fait de la photo de portrait avec des masques lumineux. Donc, c'est des masques avec des espèces de DEL ou en tout cas des petites lignes intégrées à même les masques. Il y en a plusieurs types. Puis j'en ai un de Stormtrooper, j'en ai un, c'est plus Black Panther, mais en tout cas une émulation d'eux. J'en ai un autre, c'est plus comme un renard, l'autre un lapin. En tout cas, c'était vraiment pour s'amuser justement à faire des portraits un peu différents. Puis vous irez voir, j'ai fait une petite, un tout petit album de 6 photos sur 500px ou 500px. Et puis je me suis amusé justement à essayer aussi de faire... de jumeler l'éclairage en arrière-plan avec la couleur du masque aussi à certaines occasions, où tu sais, les masques avaient quand même plus qu'une couleur aussi. Mais donc, j'ai mis parfois un arrière-plan éclairé en rouge, puis d'autres fois en bleu. Puis je m'amusais comme ça avec une lampe Philips Hue, tout simplement. Donc, tu peux changer la couleur avec ton téléphone à distance, ça va bien changer l'intensité. Puis je trouvais que c'était une belle petite expérimentation. Puis, depuis l'automne dernier, je suis tombé dans l'enfer d'un jeu de société dont Christian a entendu parler, qui s'appelle Shadows of Brimstone. Et puis, dans Shadows of Brimstone, il y a énormément de figurines miniatures, ou moins miniatures aussi. Non, je te corrige. Il peut avoir énormément de figurines, oui. Et Stéphane a énormément de figurines. C'est ça, je suis tombé dans l'enfer de Shadows of Brimstone, et je me suis procuré beaucoup des figurines qui existent. Et là, à chaque fois que je recevais un nouveau paquet, un nouvel ensemble, là, une fois que les figurines étaient assemblées, je prenais des photos macro, puis, tu sais, en très gros plan, puis tout ça, j'essayais de faire des fois une espèce comme si une des figurines affrontait une autre figurine, parce qu'évidemment, c'est un jeu un peu à la Donjons et Dragons, ces trucs-là, mais vraiment plus en jeu de table. Donc, je m'amusais à faire des espèces de mises en scène, si on veut, avec les... Puis j'utilisais les tuiles du jeu comme arrière-plan et comme, comme plancher, si on veut, là. Donc, ça mettait de la couleur aussi, parce que les figurines sont grises, elles ne sont pas peintes encore. Ça, c'est mon projet de retraite. Puis, mais ça donnait en deux, trois ans. Oui, c'est ça, vu, étant donné mon âge avancé. Mais c'est ça, donc je me suis amusé pas mal. Puis ce que j'ai été très flatté, parce qu'à deux ou trois reprises, il y a le designer du jeu, donc le concepteur graphique, si on veut, qui a quand même liké mes photos dans le groupe dédié au jeu, qui n'est pas un groupe officiel par eux, mais qui est un groupe d'amateurs, de fans. Puis eux, ils regardent de temps en temps et tout ça. Puis il a liké quelques-unes de mes photos, là, donc j'étais quand même flatté de la chose. Ouais, c'est cool. Ben voilà, donc je mettrai le lien vers les photos de masques, puis peut-être une photo de figurine, justement, là, dans les notes d'épisode. C'est drôle, quand tu as dit ça, photo de masque, j'ai tout de suite vu des masques sanitaires avec des dalles en avant. Là. Non, c'était pour faire un changement, justement, de ces damnés masques sanitaires. Ouais, ça faisait du bien de photographier autre chose. on va passer au bloc nouvelles. On a quand même plusieurs nouvelles. Christian, parlant de masque, peut-être un masque virtuel, hein? Toujours fort dans les liens. Non, je me réchauffe. Je suis impressionné, je suis impressionné. Ah, j'ai vu passer cette petite nouvelle-là, ça m'a fait bien rire. Il y avait une jeune fille japonaise sur les médias sociaux qui était très populaire sur Instagram. Une jolie fille qui prenait des photos avec sa moto, puis plein de choses comme ça. Puis il y a quelqu'un qui s'est rendu compte à un moment donné en prenant une photo que il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Puis, tu sais, on se doute que c'est sur Instagram, les photos sont un peu modifiées, sont changées. Mais dans le miroir d'une moto, il s'est rendu compte que ce qu'il voyait ne marchait pas avec la photo de la personne. Ah. C'est là que la personne a dit la vérité. C'est un homme qui utilise une application qui s'appelle FaceApp pour changer le sexe et changer l'âge. Et se mettre aussi une espèce de choses lumineuses. Mais pourquoi j'ai trouvé ça intéressant? C'est parce que je vous mets au défi de voir que il y en a quelques-unes, ça paraît un peu, mais en général, là, c'est vraiment réussi. Pour vrai, tu sais, on s'entend que c'est des photos genre cellulaire. Fait que, la qualité n'est pas celle d'un appareil photo. Mais tu regardes la photo et tu dis OK, c'est la même personne. C'est quelque chose pareil. C'est pour dire comment l'intelligence artificielle, tout ça, là, ça fait des bons là. Incroyable depuis quelques années. Là, c'est quelque chose. Parce que je l'ai essayé, cette application-là, pour rire. Puis, il va prendre tes cheveux, il va te mettre des vrais cheveux ou des affaires comme ça. C'est plus long, puis tout ça. Puis, c'est assez proche d'être naturel. C'est vraiment impressionnant. Fait que tu te dis, hey, on s'en vient à un point où ce que là, l'intelligence artificielle va interagir avec tes photos, va te dire qu'est-ce que tu veux enlever, qu'est-ce que tu veux mettre dans ta photo, qu'est-ce que tu veux changer. Puis ça va être de plus en plus facile, mais est-ce que c'est encore de la photo rendu à ce point-là? Exact. Hey boy, c'est dur, là. C'est pas évident. Puis même, j'ai essayé quelques applications parce qu'en ayant un nouveau Mac, quelques nouvelles applications qui marchaient pas très bien sur mon ancien parce qu'il était rendu trop vieux. Puis il y en a justement, c'est ça, là, tu mets la photo, puis il t'ajuste tout automatiquement, les couleurs, les choses. Et là, j'étais comme... Ouf, non. Oui, c'est du travail de passer au travers de toutes mes photos. Oui, ça me demande, mais en même temps, je me dis, ça vaut-tu vraiment la peine d'être rendu à ce point-là où c'est tout lui qui fait le travail? Je sais pas. Je sais pas. C'est un débat intéressant, mais je suis pas sûr, disons. Bon. Ben, on va rester dans les hommes d'un certain âge. Tiens, Maxime, tu nous parles de quelqu'un de connu au Québec, Richard Z. Sirois, qui était... un des membres du groupe Rock et Belles Oreilles, RBO. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Oui, exactement. En même temps, ça tombe bien parce que c'est le 40e anniversaire dans la dernière journée de RBO. Puis Richard Jean Sirois, c'est un des fondateurs du groupe. Présentement, il est redéménagé à Matane, d'où il est originaire. Il s'est un peu écœuré du trafic à Montréal. À un moment donné, il devait faire Saint-Jérôme à Montréal. Ça, il prenait à peu près 2 heures. Puis il avait hérité en 2018 de la maison familiale qui appartenait à son père, qui avait hérité de son grand-père. son grand-père, qui est Victor Sirois, qui était le premier photographe de Matane, entre guillemets. Okay. Qui tenait une boutique dans la maison familiale, une boutique photo. Donc, Sargent Sirois est retourné là-bas. Puis son but principal, il travaille un peu en spectacle, il travaille un petit peu avec le député du Parti québécois. Mais son projet principal, c'est de retaper la maison et de pouvoir donner accès, entre autres, à la boutique qui était fermée en 1995, mais qui n'ont rien jeté. Donc, il est encore assez un peu look d'antan. Il n'avait pas trop rénové avant. Puis donc, donner accès à la boutique une journée par semaine. Dans la place, ils ont 156 000 négatifs qu'estiment. 156 000 négatifs, 40 000 photos. Donc là, ils essayent de faire un tri avec la Société d'histoire et de généalogie de la place, faire des expos. Il veut, après, quand la boutique va être ouverte une journée, ça va peut-être faire un peu de revenus. Il veut repartir le studio photo à l'étage du haut, puis après ça, repartir le laboratoire dans la cave et faire un projet en devenir. Donc, il ne sait pas encore exactement quelle forme ça va prendre, mais c'est une forme de musée ou de boutique ou quoi, ça va être à voir. Donc, très bon article. Ça va être bizarre parce que j'ai mis un lien pour le magazine 7 jours. Je pense pas que ça s'est déjà arrivé d'avoir ça dans nos notes. Non, vraiment pas. Puis quand je l'ai vu, j'ai eu un petit sourire en coin. Magazine 7 jours, on n'a jamais eu de lien de. Donc, ben, quand c'est intéressant, oui. Pourquoi pas? Hein? Ben oui, absolument. J'avais un autre lien, mais tantôt quand j'ai cherché, je trouvais que le 7 jours il était plus développé sur l'affaire de boutique. Puis je trouvais ça plus drôle que l'autre lien qui était un journal local, genre. Donc, go pour 7 jours et l'Empire. Et voyez le lien incroyable. Tu parles de trier 156 000 négatifs. Mais là, Patrick lui doit trier toutes ses photos dans Google Photos avant le 1er juin. Pourquoi, Patrick? Le 1er juin, c'est la fin de pouvoir mettre un nombre illimité de photos dans Google Photos. En fait, hey, des négatifs, t'imagines, il faut qu'ils scannent en plus. Ça doit être tellement long. Oh mon Dieu, c'est un cauchemar, pour vrai, c'est un cauchemar. Wow. Je l'ai déjà fait, j'ai fait 1800 négatifs scannés. Oh my God. Puis j'avais un scanner qui en faisait 3 ou 4 à la fois, ou 4 ou 5, je ne sais pas trop. Puis ça m'avait pris 2 semaines, je pense, parce que je travaillais de la maison déjà, j'étais à mon compte, travailleur autonome. Puis je pouvais le faire à longueur de journée. Ça m'a pris 2 semaines d'en faire 1800. Évidemment, le rendu à ce nombre-là, ça prend une machine automatique. Là, avec un. Tu peux pas même le faire manuellement, ça va prendre des mois ou des années. Là. Mais bref. Tout un travail, en tout cas. Ouais. Moi, je suis chanceux, c'est dans mon ordinateur. Donc, je disais que je classais mes photos tout à l'heure. C'est justement pour faire ça avant la date butoir du 1er juin. Et là, j'espère que nos auditeurs écoutent notre émission rapidement pour avoir le temps de le faire. Parce qu'à partir du 1er juin, toutes les photos qui sont mises sur le service Google Photos vont compter dans votre quota Google. Et le quota Google, ça, on a par défaut 15 gigaoctets donc de storage, mais ça comprend Gmail. Puis si comme moi, vous avez un Gmail depuis 2004, là, moi, il faut que je fasse du ménage des fois dans mon Gmail parce que juste les PDF puis les pièces jointes font que mon quota arrive dangereusement haut, là. Mais donc, le problème, là, c'est que les photos, ben, ça prend de l'espace. Donc, si on ajoute des photos, on va rapidement atteindre ce 15 gigaoctets-là. Mais si vous les mettez avant le 1er juin, ça ne compte pas. Donc, c'est pour ça que j'essaie de mettre mes archives le plus rapidement possible. Puis, tu sais, j'ai un disque dur dans mon ordi, j'ai un système de backup. Ce n'est pas pour avoir la meilleure version de ma photo que j'aime Google Photos. Moi, ce que j'aime, c'est que ça me rappelle constamment des souvenirs. Puis, je ne mets pas beaucoup de photos sur Facebook, surtout personnelles. Donc là, ça me rappelle chaque 2 semaines. « Ah, te souviens-tu, en 2008, tu étais à telle place? » Ou là, avec mes enfants, ça me fait un album avec le nom d'un de mes enfants ou un de mes enfants avec ma conjointe. Puis là, tu vois évoluer à travers le temps. Donc, j'aime beaucoup toutes les fonctionnalités intelligentes que Google Photos amène. Le fait qu'il me ramène des photos que je n'avais pas publiées sur les réseaux sociaux. Donc, je veux pouvoir profiter de ça encore un petit peu. Donc, j'essaie de mettre le plus de photos possible avant le 1er juin. Je n'ai pas encore décidé si j'allais juste domper tout le reste à la fin, ce qui n'est pas classé ou si ça va devenir un cauchemar, là, parce que Google va me rappeler, te souviens-tu, tu avais pris une photo floue? voici ta collection de photos floues depuis 2004. Ah, puis moi et le mode Rafale, nous travaillons toujours ensemble aussi, là, fait qu'en tout cas. Mais donc, c'est ça, vous avez encore le temps si vous ne l'avez pas. Sinon, t'sais, la stratégie Google, on la comprend. Là, à un moment donné, ça fait énormément de données. Oui. Puis quand on regarde les prix, ce n'est pas si cher. Pour 100 gigaoctets, ça coûte 2 $ par mois. Je sais, moi, je l'ai depuis un an et demi à peu près. Je suis à 100 gigaoctets parce que ça faisait. J'avais déjà quand même beaucoup de trucs là, dans mon Google Drive. Tu as le Drive aussi, tu as Google Photos, Gmail. Mais je suis assez sûr. Je pense que leur pari, c'est de dire tu payes combien pour Netflix? Donne-moi deux petits dollars à Google par mois, comme ça, dans le monde de l'abonnement sans fin éternel là, dans lequel on est. Ouais. Donc, vous avez le temps, si vous êtes trop tard, ben, je suis désolé. Ou si, comme moi, vous avez un Pixel 3, vous pouvez encore mettre toutes les photos du Pixel vont être encore en pleine résolution jusqu'en 2022. Puis après ça, ceux qui ont un Pixel 4 ou un Pixel 5, ça ne sera pas en pleine résolution, mais vous allez garder les photos illimitées en résolution Google, qui appelle là, 16 mégapixels, encore pour un petit bout de temps. Donc, il y a quand même cette option-là. J'ai toujours trouvé ça fantastique que mon Pixel, ses photos, soient sauvegardées en version originale dans Google. Mais c'est ça. Donc, c'est compréhensible de leur côté, mais c'est triste parce que je trouvais que c'était probablement le meilleur outil de gestion de photos en ligne pour le commun des mortels là, qui n'a pas une grande base de données dans Lightroom. J'ai envie d'ajouter là, qu'il y a comme un petit côté environnemental là, qui nous pousse à peut-être faire du ménage là, dans nos différentes boîtes courriel ou les différents services à l'échelle de la planète. Là, c'est tout le monde... continue d'accumuler des trucs, justement, une quantité phénoménale de photos floues, mal cadrées ou qu'on ne veut plus. Faut les archiver, là. Donc, un petit coup de pied donc, qui était peut-être nécessaire là, pour se discipliner. Je suis pas contre l'idée. Si je décide de mettre celle que je n'ai pas classée, je suis donc ma conscience environnementale qui va être affectée. Je ne vais pas te faire culpabiliser. Non, mais je le prends un peu comme un petit coup de pied pour dire, ah ben écoute, non, tant qu'à faire un peu de ménage, on va faire un effort. Là, puis, Bon, ben parfait. Mm-hmm. Merci Patrick. Et tu parlais de Google et des fonctionnalités qui se trouvent dans Google Photos. Bien, Google va ajouter des nouvelles... des améliorations en utilisant l'intelligence artificielle pour donner un meilleur contrôle aux utilisateurs. Donc, vous savez, justement, des fois, Google va vous dire, « Hey, te rappelles-tu, voici des souvenirs avec telle personne. » Mais là, ils vont l'ajouter avec des objets ou des formes, des couleurs, des trucs comme ça. Ils vont élargir un peu ce type de souvenirs. Donc, ils appellent ça les « memories ». Donc, ils vont... ajouter ça. Ils vont ajouter aussi, quand tu as justement, toi qui aimes le mode rafale, si tu as plusieurs photos qui sont prises d'une même scène, bien, ils vont les jumeler ensemble, puis ils vont créer une animation avec, justement. Donc, ça va animer les photos que tu as prises. Donc, peut-être que tu vas être content d'avoir fait ça, pris des photos en mode rafale. Des gifs gratuits, c'est ça? Oui, des gifs gratuits. Puis, bon, il va avoir un paquet d'autres trucs aussi. Là, il va avoir... des dossiers protégés par mot de passe. Il va y avoir un paquet de trucs intéressants qui s'en viennent au niveau de Google Photos. Donc, ça peut quand même être intéressant. Évidemment, ils veulent rendre ça intéressant pour qu'on paye pour stocker nos photos-là, c'est sûr. Là. Mais c'est quand même... moi, je me sers justement beaucoup de ça. Toutes mes photos sont synchronisées dans le cloud automatiquement. Puis justement, si j'ai besoin d'une photo, ben là, j'arrive sur mon PC, elle est déjà là. J'arrive sur mon téléphone, elle est déjà là. Donc, c'est tellement facile et convivial que... Puis tu peux chercher aussi, par mots-clés, comme tu dis. C'est ça qui est fantastique. Oui. Tu cherches une photo par mots-clés. Puis moi, ça me... L'intelligence artificielle te la trouve. Ouais, c'est mon stock de photos personnel. Oui. J'ai une question. Est-ce que on peut relier le catalogue Lightroom à Google Photos? Ah, c'est une bonne question. Ou c'est que des photos que vous avez prises avec votre cellulaire? Non, c'est que des photos que moi j'ai prises avec mon cellulaire. OK. Sauf que ça m'arrive justement si je prends des photos avec mon appareil photo, je me les envoie avec l'application Sony. Bien là, quand je vais les modifier dans Snapseed et compagnie, bien après, je les envoie dans mon dossier principal de photos. Puis ça synchronise automatiquement. Donc là, j'ai une belle photo traitée déjà et tout ça. Moi, je les charge sur le web. sur le web, dans l'interface web, tu peux draguer directement de ta fenêtre de tes dossiers. Ouais. Puis ça les rajoute avec les métadonnées, ça les classe avec les dates. Donc, c'est comme ça que je fonctionne. Quand j'ai un répertoire qui est classé, là, je le glisse dans Google Photos, puis ça upload, ça télécharge. Mais toi, je pense que tu voulais plus parler de collection ou de trucs comme ça, là, mais c'est dans parce Lightroom. Que j'essaie de trouver une façon qui est plus efficace que ce que j'utilise pour mettre des photos dans mon téléphone, mais des photos que j'aurais travaillées dans Lightroom. En ce moment, je sauvegarde un fichier TIFF, puis ensuite de ça, je vais sauvegarder un format JPEG redimensionné, genre 1920 par 1280, quelque chose comme ça. Puis là, je me les envoie en WeTransfer, puis là, via mon cellulaire, je télécharge le WeTransfer, puis là, je sauvegarde les photos. J'ai l'impression que, un, c'est long et laborieux comme opération, mais je me demandais s'il y avait une façon de relier. Il y en a une. Oui, hein? Il y en a, parce que moi, il y a quelques années, j'utilisais ça. Moi, ce que je faisais, c'est que je transférais de Lightroom mes affaires directement à Flickr. Je trouvais ça moins trouble comme ça, je n'avais pas besoin. Puis j'ai vérifié, il y a des plugins dans Lightroom pour se connecter à Google Photos. J'étais pas mal sûr qu'il y en avait. Il y a à peu près tous les systèmes sont fonctionnels avec ça. C'est des plugins, ce n'est pas nécessairement à même Lightroom, mais ça se trouve. OK. Ben merci. Hein. On va essayer de trouver une façon plus simple et plus efficace peut-être de travailler parce que on perd du temps, là. Okay. Ah oui, c'est clair. Bon. Puis, Christian, toi, tu avais une nouvelle au sujet de Sony qui abandonne, plutôt finalement, les appareils photo réflexes parce que ça fait des années qu'ils mettent vraiment tous leurs efforts de développement au niveau des appareils sans miroir. Donc, les fameux A99 et autres, la monture A va finalement disparaître. Ben oui, ça fait environ 15 ans qu'ils font des appareils photo. Puis ben là, ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que certaines personnes ont remarqué que sur le site américain, ben les Français semble-t-il qu'ils sont encore là, mais sur le site américain, il n'est plus trouvable l'appareil A99. C'est comme s'il n'existait plus. Mm. Puis de toute façon, on va se dire la vérité, toi puis moi, je veux dire, avec les appareils incroyables qu'ils sont capables de faire sans miroir, leur marché devait être probablement assez petit que ça ne vaut pas vraiment la peine de continuer à en faire rendu là. Puis de toute façon, on ne peut pas dire que je ne pense pas qu'ils ont été jamais... Tu sais, avant le sans-miroir, Sony restait quand même assez marginal. Il y avait leurs adeptes, il y avait du monde qui les aimait, mais c'était pas... On n'en entendait pas parler. Je me rappelle qu'on en a essayé quelques-uns. C'était des bons appareils, j'avais rien à dire, mais... T'sais, on voit que ça n'a jamais vraiment démarré autant que le sans-miroir. Sans-miroir, là, ça, par contre, j'en vois partout. Le DA7, là, c'est incroyable. Là. Beaucoup de monde ont l'air de particulièrement l'aimer. Puis c'est normal, avec les performances qu'il offre, c'est sûr que c'est attrayant. Là. Fait que, ouais, ce serait la fin des DSLR pour Sony. Encore une fois, c'est pas super étonnant. Là. Ben non, c'est ça. C'était écrit dans le ciel. Ah, quand tu dis que le dernier date de 2017, ça fait quand même un certain bout de temps. Là. Le Alpha 99 Mark II, là, fait que mettons que 4 ans, là, c'est énorme. Là. Ben, puis moi, la dernière fois que j'ai croisé un photographe qui avait un appareil Sony, je pense que c'est en 2013. Ah, moi, c'est l'année passée. Okay. Moi, c'est l'année passée quand j'étais... mon gars, il faisait du baseball. Puis il y avait des photographes qui prenaient pour les photos, justement, d'équipe et tout ça. Puis la photographe, elle avait un... c'est quoi? C'est un 9, là, plus gros? Ou je ne sais plus trop comment ils l'appellent. En tout cas, c'était un gros appareil photo. Puis elle disait, je ne veux rien savoir du sans-miroir. Elle ne voulait rien savoir. C'était le A99. Ouais, A99, c'est un sans-miroir, mais... A99 d'abord, mais sportive, oui, elle voulait... C'est ça. Mais elle voulait rien savoir du sans-miroir. Elle n'aimait pas le résultat. Elle a le droit, mais elle était plus habituée avec celle-là. Ça a beaucoup évolué aussi, ce qu'on voit dans le viewfinder, dans le... Le viseur. La résolution et l'information qui est accessible. Ouais. Le taux de rafraîchissement. Moi, je me rappelle les premiers qu'on a essayé, moi puis Stéphane, qu'on a dessus numérique, là. Hey, boy! Surtout quand je te le montrais pour la première fois dans mon sous-sol, qui était quand même éclairé correct, mais tu sais, il fallait que l'ISO monte, puis là, c'était saccadé. Là, ah, c'était l'écran. Atroce pour vrai, là. Oh. Mais c'était pas juste Sony, c'était non, toutes c'était les marques, là, que ce soit Canon ou autre. Les premiers, là, avec un viseur numérique, il y avait un délai. Ah oh, ouais, c'était intense. Dans le monde de la vidéo, enfin. Parallèlement, Sony a été comme un des premiers à faire des petits boîtiers avec son A7II, par exemple. C'est devenu super populaire comme petit boîtier pour filmer de la vidéo, justement parce qu'il n'y avait pas de miroir, donc c'était plus facile de travailler avec ça pour des petits tournages. Puis avec le Panasonic A7S, G5, première génération. Oui, A7S, ouais, première génération, puis après ça, avec le deuxième. Puis ça a été, ils ont pris une place super importante, alors qu'avant, tous les gens utilisaient des caméscopes, là. Puis ils ont vraiment occupé cet espace-là qui était complètement vide. Hein, tu sais, Nikon puis Canon, là, ils ont lancé ça. J'habitais déjà en Turquie, leur premier sans miroir. Là, ça fait quoi, 3 ans? Mm-hmm. Fait que Sony a eu la place pendant plusieurs années. Il y avait Panasonic puis Fuji, mais Sony était les seuls à faire du plein format. En fait, je dirais leur premier sans miroir populaire, parce qu'ils se sont essayés et ils se sont plantés plusieurs fois avant. Oui, c'est ça. C'était pas fameux, ça. Non, mais ils faisaient des micro-itérations à chaque année, mm-hmm. là, juste pour... Mais tu sais, tu peux pas faire ça. Si ton appareil n'a pas une certaine popularité, comment tu vas attirer l'intérêt des gens en donnant juste une ou deux petites nouveautés à chaque année? Tu ne rends pas ça plus attrayant parce que tout le monde avance super vite. Puis toi, tu te dis, je vais ajouter ça. Peut-être ça. Ça ne marchait pas, là. Mais j'ai l'impression que, justement, ils faisaient ça parce qu'ils n'étaient pas en mesure d'offrir quelque chose de mieux. C'est pas qu'ils ne voulaient pas se mouiller ou s'aliéner les fans d'appareils réflexes. Là. C'était juste qu'ils n'étaient pas capables d'arriver à un produit potable. C'est pas juste les appareils, mais la flotte d'objectifs, c'est super important. Même si, Canon et Nikon, ils ont quand même été... les retardataires là, à se lancer dans le sans miroir, mais ils continuaient de sortir des nouveaux objectifs, que ce soit la Serielle ou Nikon là, sous Nikkor, tandis que Sony, ils étaient déjà bien avancés avec la série G, puis G Master, où ils avaient développé une technologie quand même vraiment impressionnante. Là. Le retard à combler est immense. Oui. Parfait. Ben, on a fait le tour du sujet, je crois. On va y aller avec un petit topo parce qu'il y a deux d'entre vous, vous voulez parler du nouveau MacBook Pro M1. Alors, Christian, à toi l'honneur, ça fait quand même un petit bout de temps là, bon. Que tu l'utilises. Moi, je l'ai acheté en janvier, sorti en quoi? Octobre, novembre passé, qui est sorti le nouveau MacBook, puis... La différence majeure, c'est que cette fois-ci, Apple a décidé de délaisser les processeurs Intel pour faire leur propre processeur. Puis, c'est sûr que c'est une décision un peu controversée. On ne se dira pas de mensonge parce que le problème majeur, c'est que techniquement, les applications doivent être réécrites. La façon que Apple a décidé de le faire, c'est qu'ils ont fait un peu la même chose qu'ils ont fait la dernière fois quand ils sont passés de PowerPC à Intel. Ils ont créé un outil qui s'appelle Rosetta, dans ce cas-ci c'est Rosetta 2, mais qui va faire la traduction dans le fond des opérations de l'un à l'autre. Là où c'est intéressant, c'est parce que ce processeur-là est un des premiers à 6 nanomètres, donc il est tellement... il est très efficace... Autant du fait qu'il y a beaucoup plus de power, plus de puissance de calcul, mais il est également beaucoup moins énergivore. Mm-hmm. Fait que c'est comme une combinaison incroyable qui va ensemble. Tu as un ordinateur qui est généralement plus puissant puis qui prend moins de ta batterie. Là, pour moi, c'est quelque chose qui était super intéressant. Moi, le fait d'avoir... Il parlait d'un 20 heures de batterie. Bien, évidemment, là, on s'entend, le 20 heures de batterie, tu n'as pas 40 applications d'ouvert, tu n'as pas 30 onglets dans ton navigateur ou rien de ça, mais... J'arrive facilement à faire des 10-12 heures sans aucune, tu sais, sans me limiter vraiment, là, c'est facile à faire. Là. C'est pas rien là, pour un laptop, on s'entend. Ben oui. Puis c'est ça, mais moi, c'est sûr que j'avais peur un peu parce que, bon, moi, j'avais vu un peu la première génération. Rosetta, j'avais eu un vieil ordinateur dans ce temps-là. Puis ça marchait bien, mais tu avais plus de lenteur. Dans le cas présent, c'est plutôt l'inverse. Dans certains cas, le processeur est tellement puissant que même avec la translation, l'application fonctionne mieux sur ces processeurs-là que les processeurs Intel. Okay. C'est quelque chose. Pour vrai, là, c'est assez impressionnant là, comme machine. Puis l'autre chose qui est intéressante, c'est que pour le moment, Apple a sorti un seul modèle de son processeur, le M1, Puis c'est le modèle bas de gamme avec 8 cœurs. Puis là, il y a deux modèles, par contre, c'est 8 cœurs, puis 8, c'est 7 cœurs pour la mémoire. Pas la mémoire, le processeur graphique, ou comme moi, le MacBook, le modèle un petit peu plus haut, c'est 8-8. Ça ne fait pas une énorme différence, entendons-nous, là, soyons francs. Mais, tu sais, on peut reprocher à Apple bien des choses, puis je les comprends toutes. Là. Entre autres, une des choses qui a été décidée là-dedans, c'est que la mémoire est intégrée à même le motherboard, mais elle est collée sur ta mémoire, sur ton processeur. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de. Elle n'a pas besoin de se promener partout. Là, on va y aller rapidement là, sans rentrer dans les détails. Mais c'est l'intégration est instantanée. Mm-hmm. Fait que tu n'as pas besoin d'autant de mémoire non plus parce que la mémoire est tellement plus rapide que moi, j'ai juste 8 gigs, puis les tests qu'ils ont fait, ça bat des ordinateurs avec 16 et même un peu plus de mémoire. Fait que. Tu sais, c'est comme une machine qui est assez impressionnante pour ce qu'on arrive à en faire, là. Puis je ne sais pas, toi, ton expérience, Patrick, avec ça, avec ce laptop-là. Toi, ça fait combien de temps, tu l'as? Bien, moi, c'est le Air. Donc, c'est celui, okay. J'ai un cœur de moins que toi. Ouais. J'ai moins de cœur, mais je l'ai pris parce qu'il n'y avait aucun ventilateur. Puis pour moi, c'est un facteur important parce que j'enregistre souvent des trucs où je dois avoir un appareil complètement silencieux quand j'enregistre un webinaire ou quelque chose où je suis présent. Puis moi, j'ai attendu, par contre, j'ai attendu beaucoup parce que je ne croyais pas. Je ne croyais pas ce que je lisais, je ne croyais pas ce que je voyais. Moi, j'ai quitté Apple en 2016 parce que je faisais plus de montage vidéo, puis j'ai commencé à faire de l'animation dans After Effects, des trucs comme ça. Puis je ne pouvais pas justifier de payer deux fois, ben, peut-être pas deux, là, mais une fois et demie au moins le prix de ce que je pouvais me faire pour la même puissance dans un PC. À ce point-là, Apple, moi, je trouvais qu'il n'y avait plus d'intérêt. Puis même les Apple avec Intel avaient de la difficulté à faire du 4K. Puis paradoxalement, mon iPad était capable, puis mon cellulaire était capable. Mais c'est ça leur secret, c'est que là, ils ont fait un système on a chip qui est le même principe que dans un téléphone. Voilà. Donc, ils sont capables d'avoir tout rapidement. Puis il n'y a que Apple qui peut dire à tous à tout le monde qui fait les applications, bon, ben nous autres, on a changé de processeur, réécrivez vos programmes là, parce que les gens vont continuer à acheter des Apple. Mais moi, je suis super satisfait. Pas, il y a un petit détail aussi que je n'ai pas mentionné, c'est que techniquement parlant, vu que c'est le même processeur qu'un iPad, tu peux même faire fonctionner des applications iPad sur ton MacBook. Je ne l'ai pas vraiment fait, pour être bien franc, par exemple. Je n'ai pas ressenti le besoin. Mais sauf que ça prouve que, justement, tu sais, quand tu dis au monde de réécrire leur application, mais en même temps, tu t'ouvres un monde incroyable par rapport à ça. Tu as raison, puis ça fonctionne super bien. Moi, je contrôle mon aspirateur avec mon ordinateur, mon petit aspirateur robot. Mais il y a plein d'applications comme ça que... Presque tout ce qui est disponible sur iPad et sur iPhone, tu peux le faire rouler là-dessus. C'est comme la prophétie qui se réalise. Puis enfin, je trouve qu'Apple est redevenu un joueur parce que je trouvais que depuis quelques années dans les ordis, à moins de payer 25 000 $ pour leur gros système, là, c'était moins accessible. Exact. Puis, même là, je te dirais que les performances n'étaient pas toujours super bonnes parce que le problème étant qu'il était bon quand tu l'achetais, mais... En dedans d'un an, il se passait beaucoup de choses, mais ils ne mettaient pas à jour assez souvent qu'ils perdaient rapidement de leur puissance. C'était pas impressionnant. Il était encore bon juste pour les laptops parce que c'est des laptops qui étaient solides, qui étaient que tu peux traîner facilement, les bonnes batteries, etc. Mais pour le reste, là, il n'était plus dedans. Non, puis ça va vite avec les processeurs plus exigeants. Puis le fait que c'est exponentiel, tu sais. Il y a 4 ans, les vidéos, la qualité était moins bonne. Là, c'est rendu beaucoup plus. Il y a beaucoup plus de données par seconde dans les vidéos. Puis pour travailler ça, ça te prend un processeur plus puissant. Mm-hmm. J'ai un ordi cheval de guerre, là, mais lui, il fait beaucoup de bruit. Là. Stéphane, tu comparais ça à un PlayStation. Mais justement, ça permet de travailler silencieusement. Là où il y a deux petits aspects, il y a la plupart des plugins, les logiciels. Oui, c'est exactement ça. Sont pas compatibles dans After Effects ou dans Premiere parce que ça prend un processeur Intel, mais les grandes compagnies sont en train de les convertir. Fait que ça, c'est un truc à considérer. Ouais, ça fait quand même à peu près 6 mois. C'est pas si pire. Ouais, il y en a beaucoup qui ont... C'est comme Adobe n'était pas fonctionnel au début. Ben, il était fonctionnel avec le Rosetta 2, mais maintenant, il est natif. Fait que ça paraît. Il y a encore plus d'améliorations par rapport à la vitesse depuis ce temps-là. Okay. Ils sont encore bêta, les applications. Ouais. Puis l'autre des avantages, ce que je trouve fou, c'est que un Mac ou un iPad ou un iPhone, ça garde sa valeur. T'sais, moi, j'ai toujours revendu mon vieux iPad avant d'en acheter un nouveau, ou même mon Mac, je l'ai revendu, je pense, 6 ans plus tard, puis j'ai récupéré tellement de sa valeur parce que les produits Apple gardaient leur valeur quand tu comparais ça à un PC. Mais là, avec ça, là, si tu as un MacBook Air avec un processeur i7 de l'année passée, ben, ce n'est pas le modèle de l'année passée, mais je veux dire, si tu l'as acheté il y a un an, là, ben, déjà sa valeur commence à tomber parce qu'on rentre dans toute une autre génération de processeurs. Fait que je trouve ça quand même un coup dur pour les consommateurs qui ne pourront pas cette fois-ci peut-être faire le saut parce que les gens ne se battront pas autant. Mais d'un autre côté, peut-être que les prix qui baissent sur les plus vieux MacBook vont faire que des gens vont pouvoir en profiter à moins de frais. Oui. Je n'avais pas pensé à cet aspect-là, mais c'est vrai, c'est pas bête. Mais la revente, là, oui. Ah non, ça ne doit pas être très bon, la revente en ce moment, parce que là, tout le monde en peur. Parce que là, oui, bon, il y a 6 mois, ils ont sorti le M1, mais là, c'est écrit gros dans le ciel qu'il y a un M2 ou M1X, ou on ne sait pas comment ils vont l'appeler, mais une version, parce que là, ils ont sorti, dans le fond, tout ce qu'ils ont sorti, autant le MacBook, le Apple Mini, le iMac, c'est toutes des versions de base, techniquement. Il n'y a pas... Ce n'est pas leur processeur Pro encore qui ont sorti. Mm-hmm. Fait qu'il y en a un qui s'en vient, là. C'est sûr et certain, avec leur iMac Pro, avec leur MacBook 16 pouces, ça va s'en venir. Fait qu'est-ce que ça va avoir là comme performance? Ça spécule beaucoup, mais ça va être impressionnant, j'ai l'impression. Fait que vendez vos MacBooks tout de suite, parce que sinon, vous vous retrouvez comme un gars qui a des appareils Sony qui sont DSLR. C'est bon. C'est ça. Oh! C'est bon. Très bon, bon, très bon lien. Merci. Moi, je transpire là, parce que je viens d'acheter un MacBook Pro usagé, ça fait un mois. Mais il est usagé au moins. Tu n'as pas fait tes recherches. Oui, au moins, il était usagé, mais... Ouais. Ben, honnêtement, je le trouve super performant pour le prix que j'ai payé. Je suis vraiment très content. Ben, il y a aussi ça qui est important. Probablement qu'il va perdre la valeur. Ouais, mais en même temps, l'important, c'est est-ce que toi, il est satisfait? Il ne faut pas l'oublier. Tu sais, mon vieux Mac de 6 ans, oui, il y avait de la lenteur, mais je savais encore beaucoup de plaisir à écrire dessus, faire mes affaires. Fait que c'était pas dramatique. Tu sais, il faut mettre les choses en perspective. C'est bien important. Parfait. Pour l'instant, je suis content. On va essayer d'oublier cet aspect-là de MRX ou je ne sais trop. Non. Revends-le pas. Utilise-le à la corde jusqu'à la fin. C'est ça. Ouais, c'est ça. Parlant de penser à des choses plus positives, on va discuter de ce que vous pensez faire cet été côté photo. Tiens, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont des projets photos? Moi, j'en ai, mais je vais me garder ça pour la fin. Là, mais qui de vous a déjà pensé à, avec le déconfinement, avec peut-être des vacances au Québec ou ailleurs, est-ce que vous avez des projets photos? Ou Maxime qui va sortir de son kilomètre carré, peut-être? Je ne sais pas, mais je pensais que prochainement, je devrais essayer de faire une photo du lever du soleil. Comme j'ai vu demain, il se lève à 5h19, puis je pensais le faire encore dans mon kilomètre carré, de le faire à partir du viaduc Vanone. C'est pas la plus belle vue, mais tu as quand même une vue sur la ville. Puis si tu zoomes, tu peux avoir le Mont-Royal et un peu le centre-ville. Donc, c'est peut-être ça, mais j'ai plus de temps. Donc, essayer de sortir un peu plus. Et encore une fois, c'est que je me répète d'émission en émission, mais de sortir mon vrai appareil et de me promener vraiment avec et d'apprendre à faire Lightroom à l'ordinateur et non switcher sur mon Snapseed. Mais là, attends, tu dis d'émission en émission. Si tu viens une fois par 15 mois, c'est long avant que tu le ressortes. Là. Non, mais c'est quand même que ça m'a donné 15 mois pour pouvoir faire ce que j'ai dit et je ne l'ai pas fait pendant 15 mois. Donc... C'est ça. Tu avais des bonnes excuses. Tu avais des bonnes excuses pour cette année. On va te le laisser passer. Oui, pour ce 15 mois-ci, c'était bon. Yes. Mais aussi, c'est ça, quand j'ai fait la photo pour l'auteur que je disais au début de l'émission, j'ai sorti mon appareil. Puis après ça, j'ai dit, je vais essayer de sortir l'appareil, justement. Puis, j'avais fait une fois ou deux, comme une photo que je vais partager là, mais sinon, je ne l'ai pas trop ressorti. Donc, c'est bien, mais juste une petite anecdote. Quand j'ai ressorti, j'ai fait une photo de patinoire, c'est dans mes notes. J'ai glissé dans les marches avec mon appareil dans les mains. Puis, en glissant, le capuchon de la lentille a envolé dans la neige. La lentille était correcte, mais je n'ai pas retrouvé le capuchon pendant un mois et demi, c'est le temps que la neige commence à fondre. Ah oui, tu l'as retrouvé quand même après la fonte de la neige, wow! Puis y a pas, l'esprit n'a pas l'air d'avoir rouillé ou quoi. Là. Ah et ben, pas, t'es pas vraiment parfait, chanceux. T'es dans ton chanceux, ben, savais, chanceux dans les circonstances. Là. Ben, je savais, il ne pouvait pas être loin en quelque sorte, à moins qu'il ait vraiment revolé. C'est sûr, ah, mais c'est les marches chez toi, là, c'est ça? Ou à l'extérieur. Donc, tu es tombé à côté ou en dessous. Oui, oui, oui. C'était dans ton kilomètre carré. Ah, mais là, c'était mon 2 mètres carrés, je suppose. C'est ça. 2 mètres de la porte, là. Genre. Mais bon. Parfait. Sinon, qui d'autre parmi vous, messieurs, a des projets pour cet été? Je ne sais pas. J'ai des projets photos, c'est sûr à 100%. Où est-ce qu'on va le faire? Je ne sais pas. Honnêtement, l'annonce de cet après-midi m'a pris un peu par surprise. Là. J'hésite à acheter une roulotte pour pouvoir annexer à mon chalet, pour pouvoir inviter plus de gens à venir au chalet parce que je ne croyais pas qu'on pourrait peut-être sortir du Québec. J'ai jamais vraiment vu l'Ouest canadien. Je voudrais pouvoir aller dans le coin de Canmore, puis peut-être le lac Louise ou le lac Maureen ou quelque chose comme ça. J'ai commencé avec le dollar canadien qui est monté, puis le dollar US qui a tellement descendu. Je me suis comme surpris cette semaine à regarder des Airbnb à Brooklyn, puis à Manhattan. J'ai comme, mon Dieu, ça n'a presque pas de sens comment c'est pas cher en ce moment. Je ne suis pas branché, je ne sais pas ce que je vais faire, mais c'est sûr et certain que ce que je vais faire, je vais avoir un appareil photo dans les mains. Ça, c'est officiel. Je me suis trop ennuyé ces derniers mois, c'est sûr. Oh, j'avais pas vu le coût du dollar canadien. Disons que l'idée d'aller aux États-Unis est tellement loin, mais oh, c'est intéressant, j'avoue, je comprends ce que tu veux dire. Le plus bas en 10 ans, je crois, en ce moment. Ah oui. C'est, si vous avez des trucs à 100 $ américains, je vous dirais que là est le moment de le faire. C'est vrai, oui, c'est vrai. C'est un très bon point. Christian, de ton côté? Ben, moi, je veux encore un été avec beaucoup de camping, c'est sûr et certain, mais cette fois-ci, c'est la première fois, il y a un nouveau parc de la CEPAC qui a ouvert il y a 2 ans au Pimican, dans Abitibi-Témiscamingue. C'est la première fois que je vois dans cette région-là. J'ai fait beaucoup du Québec et que j'étais allé en Gaspésie, tout ça, mais d'Abitibi, Témiscamingue, je ne suis pas encore allé. Puis avoir les photos, c'est clair que je vais prendre beaucoup, beaucoup de photos dans ce coin-là. Ça a l'air vraiment magnifique. J'ai vraiment le goût. Puis là, c'est pas correct, là, Pierre-Luc. Je devais aller à New York en 2020, en avril. Fait que, tu sais, ça. C'est vrai? Ça n'a pas trop bien marché, mais là, tu me donnes le goût. Là, ouais. Là tu me donnes vraiment le goût. Là. Mais tu sais, Christian, cette année, pour les Perséides, il n'y aura pas de lune dans le ciel. Tu sais, comme ça. Là. Oh! Donc, ouais, intéressant. Ouais, mégantique ou... Non, en fait, là, surtout que ça a rouvert un peu. J'ai une amie qui s'est acheté un chalet un petit peu dans le nord, puis justement, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas rien dans ce coin-là, parce que c'est assez dans le nord, fait que ça pourrait être un point intéressant. Elle nous a invité quelques fois, justement, à y aller. On peut parker à Tantroulotte à côté de son chalet, puis faire nos affaires de notre côté, fait que c'est correct, mais moi, prendre des belles photos, aller à un petit lac tranquille, puis tout ça, avec des persides, ça pourrait être bien intéressant comme... comme photo. Fait que c'est sûr que j'ai d'autres choses que je veux faire. Je veux faire aussi des photos. C'est niaiseux, mais ma belle-mère, elle aimait beaucoup les photos des enfants que je prenais il y a quelques années, puis elle m'en a demandé. Puis là, je suis dû, tu sais, ça fait 3 ans que j'en ai pas fait. Fait que j'ai le goût de faire des photos de portraits parce que, genre, je vois plus de monde non plus, là. Fait que ça aussi, ça me démange. J'ai beaucoup d'idées, beaucoup de projets. Parfait. Toi, Patrick, de ton côté? J'ai une petite liste de trucs que je veux prendre en photo avant de quitter la Turquie, là, des vendeurs de rue, des choses comme ça. Puis d'ailleurs, il y a des sons que je veux absolument capturer, là, comme l'appel à la prière, le son des vendeurs qui se promènent, puis des sons que j'ai entendus continuellement là, pendant qu'on était ici. Mm-hmm. Puis fait que je vais faire une petite chasse au trésor de cette façon-là. Mais un grand projet photo, c'est notre inventaire, parce que quand on déménage comme ça, il faut prendre beaucoup de photos de toutes les choses qu'on a chez nous qui ont une certaine valeur. En fait, on fait un inventaire. Je vous suggère de faire ça dans votre vie. C'est fascinant. On se rend compte de tout ce qu'on a, puis on ouvre chaque tiroir. Là. Mais là, fait que ça va être un de mes projets photos. J'aime le ouf de Stéphane. Ça ne sera pas des photos artistiques. Ouais. Hein? J'aime le ouf de Stéphane parce que j'ai pas mal le même réflexe, moi aussi. Ouf. Oui, je pense à mon nombre de t-shirts. Oh. J'aime autant mieux. Juste des trucs. C'est ça. En tout cas, ce ne sera pas des photos artistiques, mais c'est important de les prendre en photo pour les assurances, pour s'assurer que tout arrive à bon port. Oui, oui, super. Puis moi, de mon côté, j'ai déjà un petit peu dévoilé mes plans. pas d'étoiles, pas de lune pour les étoiles filantes, les perséides. Donc, c'est sûr que je vais chez mon cousin avec ses deux télescopes et son coin de terre au milieu de nulle part. Là, vraiment, lui, il a acheté, je l'avais dit, je pense, il a acheté son terrain parce que c'est un des lieux au Québec où il y a le moins de lumière. C'est comme à Mégantic, ou même moins lumineux qu'à Mégantic. Il est au sud de Montmagny. Il n'y a que de la forêt autour, ou presque un petit village, trois, quatre lampadaires, très, très loin, là, il n'y a rien. Là, donc, c'est parfait pour ça. Puis on en a tellement vu. Et je vais aller aussi, je retourne à Trois-Pistoles, parce que tant qu'à aller à Montmagny, je suis à moitié chemin déjà de Trois-Pistoles. Puis là aussi, l'année dernière, on avait vu quelques étoiles filantes au bord du fleuve. C'était magique. C'était vraiment super cool. Donc, je fais encore les deux endroits cette année, assurément. Puis, peut-être que maintenant, avec les gens qui vont, tu sais, la vie qui va reprendre, je vais peut-être aller me promener un peu plus en ville, faire un petit peu de photos de rue. Ça fait vraiment longtemps que j'en ai fait. Donc, ça ne sera pas les occasions qui vont manquer. Donc, ça ressemble pas mal à ça, je dirais. Puis là, on va clore l'épisode sur quelques petites suggestions. Si jamais... on a déjà quand même un gros épisode, fait que je vais peut-être sauter la mienne. Je mettrai tout simplement le lien dans les notes. Là. Mais tiens, Pierre-Luc, on va y aller avec la tienne pour commencer. En fait, mon coup de cœur, là, c'est le photographe Mathieu Dupuis, qui est un photographe québécois qui est très, très, très actif et qui, je pense, réussit à faire rêver et inspirer beaucoup de gens. Là. Les deux les photos que j'ai choisies, ça m'avait quand même marqué. Là, deux journées consécutives où il a publié des photos. La première série, c'est des photos de Natasha Kwan qui a publié ça le 12 décembre. Puis la lumière et le paysage est fantastique. Mmh. Là, c'est vraiment très particulier au niveau du traitement puis de l'ambiance. Puis le lendemain, ambiance quand même assez différente. Mais là, c'est des photos des archipels Mingans. Puis c'est fantastique. Encore là, je trouve ça très inspirant. Ça fait rêver, c'est mystérieux. C'est un choix parmi tant d'autres, là, mais c'est quelqu'un qui est photographe, qui est constamment en déplacement, puis de suivre ses publications, c'est un réel plaisir. Là. Je conseille fortement de vous abonner, que ce soit sur Facebook ou Instagram. Ben, c'est pas lui qui documente le Québec pour National Geographic, d'ailleurs? Il a fait des contrats. Je ne sais pas s'il est sous contrat avec eux, mais effectivement, il a fait des contrats pour eux. Il y a quand même des commanditaires intéressants. Là, puis même... Il y a un projet avec son véhicule là, qui est comme un pick-up qu'il a modifié pour pouvoir avoir un lit puis être, je pense, être semi-autonome là, en termes d'électricité et tout ça. Là, il a fait un aménagement assez particulier qui a permis d'aller dans des endroits avec son véhicule cet hiver où peu de gens ont accès là. C'est vraiment, ça vaut la peine d'aller parcourir les photos des dernières semaines, des derniers mois, c'est de toute beauté. Il se trompe rarement, là, on va dire. Ah, ma blonde essaie de me convaincre d'aller aux îles Mingan éventuellement, puis honnêtement, voir ces photos-là, ça donne le goût en tabarnouche, j'avoue. Le voilier, là, avec la brume, puis les conifères en arrière-plan, puis wow, vraiment. Très beau. Bon, mais là, on part du Québec, on part avec National Geographic, et puis là, on s'en va dans la région de... en fait, en Pologne, à la frontière avec la Biélorussie. Maxime, tu nous as trouvé un photographe qui a réussi le cliché de sa vie. Exactement. C'est un photographe français, Fabien Brugman, qui est donc un photographe animalier, puis il dit que ça faisait 20 ans qu'il rêvait de faire en photo une meute de loups. Donc, vraiment, c'est beaucoup avec sa famille, il s'est établi dans la forêt de Biélorussie. Si je le prononce bien, c'est une des plus grandes forêts en Europe. pour justement vu qu'il y a beaucoup de loups, puis pouvoir en photographier. Puis finalement, il y a eu la chance de pouvoir photographier une meute de loups. C'est pas la plus belle photo de l'histoire, on pourrait dire. C'est une photo quand même assez normale, mais une photo d'une meute, c'est assez rare. Puis c'est quand même le summum de 20 ans de rêves et de fantasmes, et ainsi de suite. Donc, il a réussi à faire cette photo-là. C'est une photo qui va se retrouver dans un de ses livres quand on a développé sur la faune de l'Europe, et ainsi de suite. Puis, donc, vous pouvez aller voir ça, la photo. Il y a un article sur son travail, et ainsi de suite. C'est assez bien. Et on dirait que la photo est prise de loin, mais quand on voit l'objectif qu'il y avait, la photo est prise de très, très loin, mais il a réussi à rapprocher les sujets. C'est assez impressionnant parce qu'au début, je me suis dit, ah oui, il aurait peut-être dû s'apporter un zoom ou quelque chose, mais non, il y en avait un. J'ai l'impression que les loups, ils te sentent de très, très loin. Alors, t'es mieux d'avoir un très bon objectif. Exactement. Pour les prendre. Ouais. Les bonnes bottes pour courir, mais aussi, il a dit, c'est vrai qu'il a pris les photos en premier avant de vivre le moment, parce qu'il avait trop peur de s'en aller, ainsi de suite, puis de réattendre peut-être 20 ans pour reprendre une telle photo. Donc, il a pris les photos, il a pris une vidéo, puis après ça, il a pris le moment. Ben, c'est une belle leçon de vie. Prenez les photos que vous voulez prendre, puis après ça, vivez le moment, parce que au moins, il va vous rester un souvenir où vous allez avoir... C'est une preuve où vous aurez réussi à faire ce que vous voulez, mais après, vous pouvez comme savourer le moment, vous êtes toujours à l'endroit où vous êtes. Si jamais, justement, les loups ou l'animal part, ben vous l'avez quand même vu, vous l'avez capturé. Mais il y en a aussi qui vont dire « Non, je préfère vivre le moment, puis si j'ai un souvenir, tant mieux. » Mais moi, je suis plutôt porté à... C'est bon ce que tu dis, mais tu sais, ça dépend. Si le train s'en vient vers toi, tu es peut-être mieux d'attendre après. Il y a ça. Sage parole, hein? Bon, alors prenons le train vers Istanbul, Patrick. Oh, wow! Il n'en manque pas une. Attends, il en manque pas une. Prendre ma photo. Oui, moi, je vous parle des Istanbul Photo Awards 2021. Je crois que c'est la 7e année qu'ils font ça. C'est remis par l'agence de presse turque, du gouvernement turc, là, la Anadolu Agency. Puis ce sont des photos de presse. Il y a cette année 12 000 photographes qui ont soumis leurs clichés de partout à travers le monde. Puis j'avertis là, les yeux sensibles, c'est pas toujours des belles choses à voir, là. Il y a des photos notamment cette année de l'explosion qu'il y a eu à Beyrouth, puis photojournaliste qui a documenté ça. Mais ça vaut vraiment la peine. Moi, ce genre de photos-là me fascine. Puis un peu comme les loups, certains de ces photographes de presse-là vont en avoir deux ou trois clichés dans toute leur carrière qui vont être vraiment super saisissants. Oui. Puis le gagnant de cette année, c'est quelqu'un du Bangladesh. Il y a une superbe photo aussi qui parle beaucoup. C'est à El Salvador où on voit des gens de gang, des prisonniers d'une gang qui sont en prison. On doit voir une trentaine de personnes sur cette image-là avec un masque, puis des culottes courtes blanches qui sont tous derrière la grille, assis là. Donc, ça montre une réalité difficile habituellement. Il y a plusieurs catégories. Il y a quand même une catégorie sportive, une catégorie sur la vie au quotidien, tout ça. Mais je trouve que ces photos-là, à chaque année, c'est époustouflant. Puis si vous allez visiter le site des Istanbul Photo Awards, vous pouvez vous promener d'une année à l'autre aussi puis aller voir les gagnants ou encore les nominés des années précédentes. Une autre photo que j'ai vraiment aimée, c'est une série de portraits par un photographe iranien. Tous les portraits sont pris dans le reflet de la vitre de l'intérieur d'une maison. Et on voit la ville ou le quartier derrière ou l'édifice voisin. Puis toute sa série de portraits a été faite comme ça. Donc, c'est vraiment inspirant, je trouve. Ça donne beaucoup d'idées de comment on peut composer nos images dans le traitement de couleurs. Il y a des images qui sont en noir et blanc là-dedans. De voir comment, dans certaines photos, comme après la tragédie de Beyrouth, la couleur... c'est l'élément, c'est l'humain ou quelque chose, parce que tout autour est gris, parce qu'il y a beaucoup de poussière, puis tout ce qui est brisé. Donc, c'est dur à voir parfois pour certaines catégories, mais je trouve que c'est fascinant de se dire qu'il y a des gens qui sont là sur le terrain puis qui essayent de saisir le moment comme ça. Mais le moment, moi, que je trouve aussi, là, c'est la photo sportive, les deux motos, une espèce d'accident ou d'accrochage de moto. on dirait que les deux motos sont comme fusionnées ensemble. Ouais. Puis c'est vraiment spécial comme photo. C'est ce qu'on appelle vraiment avoir capté le moment. Là. C'est sûr qu'une photo juste avant ou juste après, tu n'aurais pas eu ce résultat-là, c'est sûr et certain. Puis on voit qu'il y avait un bon téléobjectif aussi. Clairement. Oui. Ouais. Oui. Il a pris la photo avant parfait. De vivre le moment. Ah oui, il a vécu le moment quand il a vu sa photo. Oui, ça a été son moment. Tu parlais de couleurs et tout. Moi, c'est très rapidement, c'est un concept assez original et coloré. Ce sont des gens qui se sont empilés ou installés dans des lieux, dans une ville, soit un cadre de porte, des rampes, des escaliers, des trucs comme ça. Puis vous irez voir, ils sont habillés de façon très colorée. Et ma foi, c'est spécial de voir le résultat, les gens imbriqués les uns dans les autres comme ça. Donc, je vais mettre le lien, évidemment, dans les notes d'épisode parce que le décrire, ça serait pas... Vous pouvez pas avoir une idée exactement de ce que vous allez voir en écoutant ma description, mais c'est allez comme voir si ce sont ça. Des blocs Tetris un peu. Oui, un peu, mais pas dans toutes les photos. Ouais, ça rappelle la sculpture, non. Oui. Là. C'est un peu comme des sculptures humaines, effectivement, si on veut, qui s'adaptent à l'architecture ou à l'environnement. Ouais. Enfin. Ben voilà, ceci conclut ce 176e épisode, épisode spécial hors série, qu'on pourrait dire, ou presque, au milieu d'une très longue pause. Mais je vous remercie beaucoup, messieurs. Merci, Christian. Merci, Stéphane. Merci, Pierre-Luc. Merci à toi, Stéphane. Merci, messieurs. Merci, Maxime. Merci. Et merci, Patrick, de t'être levé à 3h du matin pour venir faire le show avec nous. Il est rendu de passer 4h, là. Je ne vais peut-être pas me recoucher. Merci à vous de m'inviter. Au Kazakhstan, en passant, il y a une plus grande différence d'heure. Donc, c'est à presque 12h. Ça va être plus facile. OK. Ah, bon, cool. Parfait. Ben oui. Tu vas avoir le temps de prendre ton petit déjeuner. C'était puis, subtil. Ça n'a presque pas paru. Non, mais au jour de l'an, j'ai écrit à Patrick, j'ai souhaité bonne année. J'ai dit, quand on revient, est-ce que tu veux être plus régulier? Puis c'est moi qui l'ai invité. Ben, en tout cas, vous t'avez peut-être ouvert la porte, mais j'ai dit, garde, il y a une place pour toi si tu veux. La porte est toujours grande ouverte. Exact. Bon, parfait. Puis merci, chers auditeurs, chères auditrices, d'avoir écouté cet épisode. Apparu un peu de nulle part. Non, on va l'avoir annoncé un petit peu quand même avant la publication, mais c'est toujours très apprécié. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires ou vos suggestions. Si vous avez des idées pour faire de la photo cet été et que vous voulez les partager, envoyez-nous un petit message, puis on pourra ajouter ça aux notes d'épisode. Tiens. Est-ce que c'est un épisode déconfinement? Est-ce qu'on pourrait appeler ça comme ça? Oh, je crois que oui. C'est bon, ça. C'est le... Ouais. Où Christian parlait de train tantôt. C'est la lumière au bout du tunnel, pas mal. Mm-hmm. C'est le train-train quotidien qui s'y remet. Oui, voilà. Parfait. Alors, merci. Puis, pour ceux qui ont trouvé l'épisode par hasard, bien, vous pouvez vous abonner, évidemment, sur toutes les plateformes de balado-diffusion. Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher, TuneIn Radio. Donc, on est assez facile à trouver. Alors, merci beaucoup et on se retrouve cet automne.